bravo à toute l'équipe, c'était extraordinaire. Vraiment, là, allô à tout le monde. Allô, ben allô. Non, à l'air. Comment ça, à l'air? Allô, ben non, c'est allô, à l'air. Là, j'aimerais bien que pour une fois, cette émission-là tienne la route. Ben voyons donc, t'as pas l'air de comprendre. Non, j'ai pas l'air. Puis même si... Voyons, ça va continuer. Ben, on s'imagine que oui, on va tenter... l'intentable? Non, l'incantation. Oh mon, déjà l'incantation, c'est pas le moment. Ben, le moment est jamais venu ici. C'est vrai. On l'a jamais invité, c'est pour ça qu'il vient pas. Oh! Comment on fait pour l'inviter, le moment? Un moment, là. OK! Alors, comment il va se faire? Il va se faire. Comment il peut se faire? Il se faire. Qu'est-ce qu'il peut se faire? Ben, quelqu'un m'a donné ce téléphone. Oui? Je crois que c'était Eddie, non? Oui, c'est Eddie. Eddie qui? Eddie Bigood. Eddie Bigood, sans doute. Là, on sait pas ce qui se passe, là. C'est le néant. Non, toi, t'es plutôt au moment du Néandertal. Oh, mon Dieu. Mental, plus peut-être. OK, il faut enlever le néant. Ben là, non. Nous vivons un moment... très, très, très étrange, où le mental est dans le néant. Ah, c'est pour ça le Néandertal? Ben oui. Qu'est-ce que tu croyais, toi, devenir comme ça du dieu de la myriose? Ah, mais c'est non! Ah, mais c'est non, c'est lui, puis il a pas peur de le dire, puis si c'est pas ça, ben on va le faire écouter autrement! Quelqu'un m'a donné ce téléphone. Oui. Je crois que c'était Eddie, non? Eddie qui? Oui. Elle a dit c'est une Eddie's. Non, c'est Kennedy's. Kennedy's, c'est pas une femme, ça? John F. Kennedy's. Attends, arrête tout ça, là. Là, c'est le moment que où l'on doit dire les choses les plus véridiques. Ben voyons. John F. Kennedy est pas mort. Ben voyons, arrête donc. Non, il est toujours vivant. Ben, on l'a vu, là, à la TV. Ben oui, mais c'est un montage vidéo, là. La grande histoire de ce stratagème, de ce complot mondial. Oh mon Dieu, ça fait peur. Oui, très peur. John F. Kennedy avait beaucoup de pression. Hein. Il était le dirigeant des États-Unis d'Amérique. Là. C'était pas des petits dirigeants du restaurant du coin. Là. Il n'y a jamais eu de restaurant dans ce coin-là. Non. Ben c'est parce qu'il pouvait pas. Il pouvait pas tenir aussi fort que cet être qui maintenait dans ses mains et dans ses mots et dans son pouvoir tout un peuple entier. Oh mon Dieu Seigneur. Tu vas pas me faire le peuple entier quand le monde inondera mes matins. Non. Et puis là, un jour, il s'est levé. Qui ça? Ben, John F. Kennedy. Comme à tous les matins. Ouais. À tous les matins, je me lève et je me sens bien. Mais lui, il se sentait mal. Lui, tellement mal qu'il s'est dit, faut que je change de peau. Faut que j'arrive avec un scénario typique. Un scénario exceptionnel, extraordinaire, à la mesure de la démesure d'Hollywood. Oh, monsieur! Pas Hollywood c'est pas Hollywood! Ben oui, le cinéma! Oh, cinéma, avec les effets spéciaux! Très spéciaux. Les effets étaient de plus en plus spéciaux et spatiales. Oh, mon Dieu! Il s'est fait enlever par les extraterrestres. Presque. Spielberg. Ah, mon Dieu, il était pas né à l'époque. Mais il était là. Spielberg a appelé mon ami John F. Kennedy, puis là, il a dit, John F., ça va bien, mon John F., ça va très bien, merci. Et toi, mon Steven? Ah, moi, ça va tellement bien. Mais moi, j'aimerais avoir un certain essor à ma carrière, puis j'aimerais placer sur mon CV, sur mon CV, des... une vraie, comment dire, donc l'éclair de génie qui va faire dérouler ma carrière et l'amener dans des stratosphères, un zénith des plus exceptionnels. Ah ben, mon Dieu. Tu veux pas me tuer, toi, là? Ben non, c'est presque ça. On veut simuler ta mort. Ah, mon Dieu. Je sais que t'as une pression épouvantable. Ah, moi, ça n'a pas de bon sens. John F. Kennedy, moi, là... J'en ai tellement que je sais plus comment dormir. Comment ça? Ben, je sais plus comment dormir couché, debout, assis. Ah, oh, ça me trotte dans la tête. Oui. Ben, c'est ça. On avait pensé, excusez-moi, c'est ça. Le micro était là. On avait pensé te lâcher une petite affaire dans la cervelet. Ah, oh, mon Dieu. pas me faire tirer par un malade. Ben, ce serait bien. On a déjà vu ça dans les cinémas. John Wayne, John Wayne, John, Johnny B. Good. Oh oui, Johnny B. Good. Hein. Oh, oh, oh, oh, oh, Johnny B. Good, oh, oh, Johnny B. Good, oh, oh. Cette m'a donné ce téléphone. Oui. Je crois que c'était Eddie, non? Oui, c'est Eddie. Qui? Oui. Et elle a dit que... Oh, elle a dit, oui. Il y avait Dieu au bout du film. Qui? Mais attends, hey, Steven? Steven? Là, ça se tasse un peu, là, là. C'est pas juste enlever, tirer, puis enlever par les extraterrestres, puis là, il y a Dieu qui va se mêler là-dedans. Oh, mais moi, qui? Janice Kennedy? Oui, Janice Kennedy. Je veux pas me mêler la religion à ça, parce que c'est trop épineux. Ah, ben, parlant d'épines, là. Tu sais, quand on y a foncé, là, tu sais, dans la couronne d'épines, là. Oh, non, je vais pas parler de ça. OK. C'est trop épineux. C'est très épineux. Ah, oh, c'est le moment, là, qui me fait pleurer à chaque fois. Oh, c'est le, comment dire, le clou. Le clou du succès. Non, pas le clou du succès, c'est le clou, le clou. Le clou de la vérité? Ben non, mais c'est ce que la recette va... Voyons donc, la recette. Pas comment, il y a pas de recette là-dedans, là. Tu mets ça à 350, là, 2h30. Non, non, non, non, non. C'est le, comment dire, donc, c'est le développement. C'est le développement. Ah, mon Dieu. Et comme moi, je trouve que je me développe un peu trop vite, là, au niveau de la bédaine. Là, regarde-moi ça, la bédaine. Là. J'ai le nombril, là, au niveau du visage. Puis quand je regarde ça, là, je me demande, est-ce que ça peut s'étirer jusqu'à une vitam et parman? Ah, non, c'est une vitam et parman. Oh, bon, une vitam et parman. Et là-dedans, dans le nombril, là, pouvons-nous placer une belle menthe écossaise? Oh, les écossaises! Oh! Là, pour venir à John F. Kennedy, là, il est pas dans la menthe écossaise. Ben, on a voulu le rentrer, mais c'est trop petit, hein. La menthe est trop petite, puis lui, il est trop grand, il est trop uniforme, c'est comme Hulk. Hulk. Ben, Hulk. Ah, oh, la bébite. Bien, c'est pas une bébite, Hulk, là, toi, wow! C'est un super-héros. Oh, monsieur, un super-héros. Un super-héros, comme, ben, il y en a beaucoup de super-héros. Batman fait-il partie? Il fait partie là-dedans. Robin? Ah, ben, Robin, lui, c'est excuse-moi, mais c'est, il est quand même assez tard, on peut dire les vraies affaires. C'est celui qui est en arrière. En arrière. En arrière de... Non, non, non, non, non, non, Batman. Ben, oh, mon Dieu, Seigneur. Il est en arrière. Ah oui, lui, il pousse dans l'intrigue. Ah, ben, c'est pour ça qu'il y a un bandeau. Eh ben, il n'y a pas juste un bandeau, il y a un bandeau. Oui, OK. Mais, tu fais même le geste. Moi, je suis anti. Moi, je suis un comédien à l'état brut. Ah, pour être une brute, t'en es une. Ah. Alors, donc, John F. Kennedy, on revient là-dessus. Ben oui. Là, il voulait changer parce que là, il était trop connu, puis il y avait une pression, là, au niveau de l'auriculaire et puis du faciès. Il y avait comme la bémol au niveau de la babine qui lui descendait. Il y avait comme la lip, puis il voulait pleurer tout le temps. Et là, Steven Spielberg dit, regarde, on va tuer mon petit champion, on va te filmer, puis là, ça va bien sûr être vu par toute la planète entière, et ça va susciter l'intérêt jusqu'à des années durant. Années durant qui? Quelle importance, les années qui durent, nous aurons la chance de vieillir ensemble. Quelqu'un m'a donné ce téléphone. Oui. Je crois que c'était Eddie, non? Eddie, oui. Oui. OK. Et elle a dit que... Elle a dit quoi? Il y avait Dieu au bout du film, mais je n'ai rien à lui dire. OK. C'est pour vous. Oui, merci. Oh, ouais. Vous pouvez parler à Dieu. Ah, oui. Allô, Dieu? Allô, Adelcio Dieu? Allô, Dieu? Dieu, c'est là. Hey, Dieu, t'as pas à répondre, là, parce que je vais te poser des questions fondamentales. John F. Kennedy, là. Là, j'ai parlé à Speedbird, là, puis il m'a dit qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire à nous monter. C'est un plat, là, rehaussé, épicé, comme on l'aime, là, on les aime. Là. C'est comme tous les Québécois, on s'attend à quelque chose d'exceptionnel des États-Unis d'Amérique. Là. On veut pas juste une petite... des petits discours aléatoires et tamponneuses. J'aimerais ça, des aléatoires et tamponneuses. C'est un discours... Non, mais des discours factices. Ah, bon, ben ça, là... Et d'une gratuité incroyable. Alors, ce qu'on aimerait, là, c'est qu'il y ait l'intrigue nous amène là, jusqu'à la fin de 2011, là, à des discussions, là, pendant un bon repas bien arrosé. Arrosé, ben, on arrose le poulet, hein, parce qu'il sèche, ça sèche vite un poulet. Ah, ben là. Il suffit de mettre ton rond et mettre ton poil pas trop fort, pas trop pelvé. Ben oui, mais pelvé. Moi, je sais pas, là, 350 pelvé. Ben ça, c'est trop pelvé. 300, ça, c'est juste assez pelvé. 300, c'est assez pelvé. On peut dire que ça, c'est moyen pelvé. Moyen pelvé. Bon, OK. Et puis là, c'est ça. John F. Kennedy se fait tuer. Ben, c'est pas vrai. Puis là, on le fait, bien sûr, on fait quoi à notre population, au genre humain, aux citoyens, à la planète entière, que ce mec-là n'existe plus. Hein, on va faire pleurer sa femme, elle est excellente, on l'a fait pratiquer. On avait quand même le choix entre Drew Barrymore. Elle était pas là dans le temps. Ben oui, il y a donc dans E.T., là. Ben, elle avait 11 ans. Ben, pis, c'est pas important, là, les gens reconnaissent pas ça. Les femmes de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 50 ans. T'es un malade? Non, mais je te le dis. Ils ne verront que du feu avec deux, trois petites... du make-up, là, puis rouge à lèvres, et on la pomponne, et des talons hauts. Exemple, Jodie Foster. Oui. Dans Taxi Driver. Oui. Elle avait quel âge? 11 ans et demi, 12 ans. 11 ans et demi, 12 ans. Et dans le film, elle avait l'air de... Bon, 13 ans. Bon, puis, hein, 12 ans et demi, 13 ans, quand même, c'est quelque chose, c'est une évolution. Ouais, mais là, entre 11 ans, puis 45 ans, ah, hey, toi, lâche-moi ça, la babine. Fait qu'elle, on la place là, elle, là, puis on la fait pleurer, elle va monter sur le capot, elle va arracher la face, tout le gros spectacle. Puis, pendant ce temps-là, là, on va l'amener, ce monsieur-là, puis on va le placer dans un sous-tombeau. Oh, mon doux! Et là, ça sera, bien sûr, hein, un genre de un mannequin. Oh! Un mannequin qui ressemble étrangement, là, de musée de cirque de Grévin. On va demander à M. Grévin. Est-ce qu'on peut, monsieur Dieu, on peut-tu parler à M. Grévin? Il répond pas, lui, c'est vrai qu'il parle pas. Alors, on va parler directement à M. Grévin. On va savoir si lui, il peut faire un... Croyez-vous que ça va continuer? Ben, j'espère que ça va continuer. M. Grévin! C'est Ronald Gagné. Je sais que vous pouvez pas parler, mais parlez pas, écoutez-moi. On aimerait faire le visage et le corps entier. Pas juste le visage, le corps entier de Jennifer Kennedy. Qu'est-ce qu'il parle? Quel est qu'il parle? C'est Ronald Gagné. Monsieur Eppel. R-A-Y-N-L-D. Parlez-vous français, vous? You speak French, hein? Speak! Ah, y a, donc, ça fait mal, hein, les piqûres, speak, mais speakez pas trop fort, là, comme ça fera pas mal. Donc, speak English, no French, me, my French, only French. My Québécois, my French Québécois, moi, c'est un panneau, speak English, oh, no. Excuse me, Monsieur Grévin. John F. Kennedy, OK, dans sa totalité, un corps en cire, là, ça nous dérange pas, mais il faudrait pas que ça fonde, hein, parce qu'on va le placer là en garde à vue, puis surtout, le soleil va plomber, il fait chaud pendant cette période-là. Et s'il peut ressembler étrangement à ce monsieur, là, le grand John F., avec, bien sûr, la petite calotte levée, puis un petit peu de sang, puis quelque chose qui est parti de son cerveau, ce serait même merveilleux. Et comme ça, ben ça va être le plus gros canular au monde. Il n'y a pas de problème, monsieur. Merci. OK. Raccroche. Il a dit oui. Raccroche. Bon, alors donc, Grévin a dit oui. Donc, ce qui va arriver, c'est que John F. Kennedy, dans le sous-sol, on va le transformer en femme. Comme ça, c'est pour ça qu'on peut dire qu'un jour, il a pu s'en sortir et devenir... Ah, ouais, on est dans la merde. On est dans la merde. Oh, et on est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Oh yeah, on est dans la merde. On sait pas, là. On est en pleine discussion avec le grand panimateur. Oh oui, on est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Mais c'est pas grave. Allô? Oui, allô? Non, c'est pas l'eau, c'est l'air. OK, comme l'eau, le sang et l'air. Non, c'est le feu et l'eau. Le feu et l'eau part du ruisseau et va se coucher dans ma couche de nord. Ta couche de nord? Ben oui, moi j'ai une couche afriatique. Ah, mon Dieu, c'est beau ça. Ah, c'est tout peuplé d'Amérique du Nord britannique. Oh, es-tu certain? Avec mon Mamie Blues. Oh, c'est mon grand succès. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, levez-vous. Restez, placez le cœur, la main sur le cœur, OK? Oh, c'est comme l'hymne national. Oh, Mamie Blues. Oh, Mamie, Mamie. Oh, Mamie. Oh, Mamie, Mamie Blues. Oh, Mamie Blues. Oh, Mamie, Mamie. Oh, Mamie. Oh, Mamie, Mamie Blues. Oh, Mamie Blues. Oh, Mamie, Mamie. mami, attention. Oh mami, mami blue. Oh mami blue. Oh mami, mami. Oh, je suis parti un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier, quand j'étais près de toi, ma mère, oh ma mère. Que j'ai franchi la frontière, tu l'as dit ça. Oui, j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir, repartir. Oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami, mami, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami, mami, oh le temps est passé, oh, et mami blue s'en est allé, la maison a fermé ses yeux, ses yeux. Messieurs, je ne reviens plus les jamais. Comment je ne reviendrai plus jamais? Avec dans ce regard pâlé, où tu reposes désormais, désormais. Tout le monde ensemble, c'est le même temps, là, on frappe les mains. Oh mamie, ils n'ont pas de main. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, oh mamie, mamie. Oh mamie, oh mamie, mamie blue. Mami, mami, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami, mami, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami, mami, oh mami. Oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami, mami, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami, mami, oh mami, oh mami, mami blue, ayoni yuni yuni yuni, oh mami blue. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Donnez de l'argent à la porte, s'il vous plaît. Sinon, vous risquez de ne pas sortir de la soirée et de l'émission. Merci, merci, merci. Messieurs le Président, messieurs les pas trop catholiques, enlevez-moi ça, c'était cause là, ça n'a pas de bon sens. Et messieurs les pas trop catholiques, et mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Gagné, aujourd'hui, le vendredi 25 mars 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, cette semaine, unissons-nous autour de Jean-Claude Dreyfus. Plaçons-le sur les projecteurs pendant quelques errances rénaldiennes. Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière cinématographique en 1973 avec plusieurs films signés Michel Audiard. Il collabore ensuite avec à quatre reprises avec Yves Boisset. Les années 90 et une double collaboration avec le cinéaste Jean-Pierre Jeunet marque un tournant dans la carrière de Jean-Claude Dreyfus. Dans Délicatessen en 91, il incarne un inquiétant boucher. Dans La Cité des Enfants Perdus en 94, on le présente sous la forme d'un étonnant dresseur de puces. Revenant à ses premières amours travesties, il endosse en 2009 le rôle de Marie-Pierre Jean-Pierre dans le mardi à Monoprix d'Emmanuel Darley. Jean-Claude Dreyfus se démontre encore une fois l'éventail de son répertoire, n'hésitant jamais à incarner des personnages à mille lieues de lui. Maintenant, laissons la chance aux chansons et entendons la montée improvisatrice des mots et en avant le générique. Jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. On peut voir ces films-là dans les cinémathèques, dans les lieux un peu plus... Vous avez voulu voir un film aussi au Québec que j'ai fait il y a quelques années, c'était pour l'anniversaire des 100 ans du cinéma. Oui. C'était Le Fils de Gascogne. Hein. Le Fils de Gascogne, comme dit les films, par Pascal Aubier. Ok. Et alors, je sais pas si on l'a vu au Québec, mais en tout cas, il est parti. Alors, c'est un film qui était fait pour la télévision. Il y avait, pour les 100 ans du cinéma, il y a eu Agnès Varda qui a fait un film. Oui, je l'ai vu. Et Pascal Aubier, dans lequel je suis. Il est parti. Vous voulez quelque chose? Bon, je vais boire un coup parce que j'ai soif. J'avais des... Non, je rentre de l'eau pétillante. Vous avez de la San Pellegrino? Oui. Je prends une demi de San P, ouais. Moi, je vais prendre une bière fontaine. Blanche. Il est parti, c'est un film fait pour la télévision, mais qui a eu la chance de passer au cinéma dans une ou deux salles un peu art et essai à Paris. Mmh. Et il est parti, Pascal Aubier, dans les jeux. Oui, c'était même pas cinémathèque, c'était le petit cinéma d'art et d'essai. Où il est resté. En général, les films, quand ils ont la chance de passer là,

tout était bien prêt pour une continuation des plus flamboyantes. Mais quelques êtres ont voulu déraciner cette soirée pour l'amener à des soubassements des plus primitifs et ainsi s'en souvenir jusqu'à la fin de nos jours. Il y en a. Très peu, une minorité, mais il y en a. Et c'est malheureusement cette minorité qui nous rappelle cette soirée qui aujourd'hui se relate ce soir devant nous, devant vous, devant toi. Hey, c'est, tu tutoies ton public? Ah, moi, je tutoie. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Rénal, oui, Rénal, oui, Rénal, oui, oui, c'est Rénal, oui, c'est Rénal. Croyez-vous que ça va continuer? Oui, ça va continuer, ne vous en faites pas. Rénal, oui, dis-moi, Rénal. Oui, je te le dis. Bon, merci, OK. Alors, non, mais il a besoin, lui, d'attention, il a besoin d'une petite seconde de sympathie et surtout une grande amitié parce que, bon, comme plusieurs... Comme plusieurs. Ah, ça, je te le dis, M. Tremblay. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans pas à peu près. C'est 2011, là, c'est l'année. Rita, c'est ton année. Bravo. Je souligne. Ah, c'est bon. Oui, vous avez raison. Merci à tous les cœurs qui donnent des hauts de cœur, c'est-à-dire Ticu Baudouin, Miradot Tremblay. Mon Dieu, Miradot, ton père avait des problèmes. Oui, oui. OK. Vous en souffrez encore? Oui. Et je vous êtes? Je suis. On est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Merci, monsieur. Ouvrons-nous, au fond, lui. On va lui ouvrir à lui, pas à nous. À nous, on n'a besoin de rien. Ben oui, de tout. De lui, de ses mots, de sa structure, de sa façon de dire, et surtout de son front de cochon. Un front de cochon. Tout est bon dans le cochon. Mon ami Dreyfus nous le dira à un moment donné que pour lui, le cochon, parce que nous en sommes tous. Hey, voyons donc, tu mêles tout le monde. Non. On fait partie de cet amalgame et je sais pas pourquoi. Hein? Qu'on aime dire que les cochons, comme nous, aiment bien se retrouver dans ça. Hein? J'ai jamais compris, moi, parce que c'est il en est rien. Et oui, on y va. On va laisser développer, ça y fait plaisir. Oui, monsieur. On est dans la merde. On est. Mais savez-vous pourquoi le cochon aime bien s'enduire de boue? Ici au Québec, on dit de la merde, là, mais de la boue. Parce qu'il y a du soleil qui plombe dessus, et puis sa petite peau là, est très délicate, la peau de cochon. On dit, hey, t'as une belle peau de cochon. Hey, moi, j'ai dit ça à Bertha, moi, la semaine dernière. J'ai dit, hey, ma belle, tu mets 18 crèmes par soir, puis 18 crèmes de jour, 18 crèmes de nuit, 18 crèmes, tiens, ça nous coûte cher, ça, là, ta crème, puis regarde-moi ça, t'as une belle peau de cochon. Puis là, elle était contente. Elle dit, hey, toi, avec ces propos-là, là, tu te mets dedans. Ah, oh, tu te mets dedans, pas un peu plus. Ah, c'est ça va pas être bon. Une peau de cochon. Oui, on y va. On est dans la merde. On est, merci. Vous avez entièrement raison, mais en même temps, elle s'est amusée et surtout elle a ricané quand elle m'a dit, toi, t'as bien beau me dire que j'ai une peau de cochon, mais toi, t'as une tête de cochon. Elle a tous les deux, notre couple, nous enlisions dans la. On aimait ça. Les Québécois adorent ça. Ah, simple. Bravo. Continuez votre belle façon de voir la vie. Ah, on est dans la merde. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil « Contes et nouvelles ». Tu vas trop vite, Reynald. Ben voyons, je vais jamais assez vite et jamais trop... Croyez-vous que ça va continuer? Ben, on se le souhaite. On aimerait ici s'arrêter quelques secondes, histoire de se ressourcer et prendre toutes les structures et les sources positives afin de nous les ramener, s'il vous plaît. Alors, pendant quelques secondes, réfléchissez à une puissance X et amenez-la-moi, s'il vous plaît. Merci. On y va maintenant. OK. Parfait. À cet instant précis, énergie! Quelqu'un m'a donné ce téléphone. Oui. Je crois que c'était Eddie, non? Oui, c'est Eddie. Oui. Eddie Kretschmann? Et elle a dit que... Elle a dit? Il y avait Dieu au bout du film, mais je n'ai rien à lui dire. OK. C'est pour vous. C'est pour nous. Prenons le téléphone. Vous pouvez parler à Dieu. Allô, Dieu, Charles Bukowski, ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil « Contes et nouvelles ». Ça fait 20 fois que tu te dis « on recommence, on continue, on enchaîne, puis on aime ça s'enchaîner ». Oui, monsieur, ne vous en faites pas, respirez par les naseaux du cochon et vous verrez que... Comme moi, vous êtes dans l'errance rénaldienne. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. J'ai le doigt coincé dans le puits. Quand t'as le doigt coincé dans le puits, tu dis « Et puis, ça fait mal !» Tu te mets toi-même et... Oh! Allô? Rita? Bon. Nous avons ici... Nous sommes en contact avec un extraterrestre. Est-ce qu'on pourrait lui parler? Bonjour. Baissez son son. Avez-vous du son, monsieur l'extraterrestre? Eh, monsieur, on va le laisser aller. Oui? Allô? OK. Là, il faut savoir décortiquer un extraterrestre. C'est déjà assez complexe comme ça. Silence. Est-ce que vous pouvez être silencieux quelques secondes, merci? Oui, s'il vous plaît. Okay. Ah, c'est ça! On est dedans, on peut pas se dire. C'est dans une tristesse, le titre. On a arraché le titre. Bon, OK, vous voyez pas ça ici, là, à la radio. Tant mieux, parce que délivrez-moi de cet ingénu qui essaye de dédramatiser mon émission. Non, on le dramatise, dramatiser mon émission. On le conscientise mon émission. Le titre, est-ce qu'on doit dire le titre? Non, faut dire la première phrase. Oh, c'est ça qui est coupé. Ah, mon doux. Il fait chaud ce soir chez Tony. Ben oui. Hey, Tony habite dans un appartement, pas de fenêtre. Pas de porte, il n'y a absolument rien. Pour rentrer chez lui, tu descends par la cheminée, comme le Père Noël, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, extraterrestre. Ah, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, mais il y a une cheminée. Ouais, mais est-ce qu'il a fait brûler sa cheminée? Je sais pas. Attends un peu, là. Tony? Oui, Tony, c'est moi. Tony, fais-tu brûler ta cheminée? Non, mais je mets du feu dedans. Oh! Mets du feu dans ma cheminée. Je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop bourré? Hey, monsieur, un hiver bourré? Ah oui, un hiver bourré. On hivernera, je ramène avec mes bagages un goût qui m'était étranger. T'as des amygdales? Oui. Moitié rendu, moitié rainage. Rainage? Ah oui, c'est le goût de mon potager. Eh, monsieur. Mamie, j'ai le cœur à l'envers. Tourne le pardon, le monde est en chamailleux. Il pleut au sud, on sue, On a... Oui... C'est un temps de cochon. Ah oh oui, parce qu'on est dedans. Ah oh oui, on est dans la... Ah, ça n'a pas de bon sens. Ben, 250, je vous demanderais... c'est... Oui, effectivement. C'est comme... Pouvez-vous couper? C'est parce que c'est pas le moment. Ouais. Exactement. Et puis, je vous demanderais si vous l'accueillez tôt le matin, hein? Placez ça dans un petit un petit papier en plastique. Recouvrez cette matière dans le petit plastique et mettez ça dans un contenant toujours plastifié. Parce que cet environnement-là doit être en latex. Latexifié. Latexifié. Oh, ça, c'est un nouveau terme. Ben, tu connais pas ça, t'es pas dans le milieu. Non, c'est vrai, je suis pas dans le milieu du latex, moi. Hein, moi, je suis pas Mano Brazo, moi. Ah, oh, non, c'est Sadomaso. Ah, oh, je suis pas là-dedans, moi. Ah, oh, moi, les clous dans la bouche, puis les pins dans les sorts. Ah, oh, ça, on dirait que ça me ressemble pas. Et puis là, non, il faut pas dire le titre, là, mon espèce d'insignifiant. Oh, c'est vrai, j'allais divulguer la chose. Alors, hey, il fait tellement chaud, là, que même sa cheminée, là, revenait plus de cette chaleur qui émanait dans ce beau studio de mon ami Tony. Ben oui, mais là, qu'est-ce qu'il faisait, Tony? Ben, Tony débouchait. Parce qu'on sait très bien que lorsque l'on débouche, ça fait une certaine activation des, de la peau, là, comment t'appelles ça? De la dramaturge? Non, la première peau. C'est l'épiderme, l'épiderme, le froderme, le derme, l'épiderme. Quand tu débouches, ça fait je parle d'une bouteille de bière, là. Ça fait comme un petit souffle, ça fait ça donne une brise, là, puis avec une senteur de houblon. Là. On était obligé de la boire, cette bière-là. Là. On a débouché comment? Ben, il y avait moi, hein? Il y avait Tony, oui. Il y avait moi, oui. Il y avait Sylvie, oh Sylvie. Il y avait Natacha, la danseuse Natacha. Natacha de trop de pieds, Natacha de trop de pieds et de trop de bouche également. Non, elle n'avait jamais assez de bouche. Ah, c'est vrai avec nous, hein, c'était... On disait, ah non, on peut pas la... Non, on n'a pas cette heure-ci, là, il est trop tôt. Bon, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on voulait... Oui, on voulait dire le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, parce que quand même, là, il fait tellement chaud là-dedans qu'on ne sait pas quoi répondre. Puis, il faut lui dire que le titre, c'est... La machine, c'est comme la machine à souquer, la machine à danser, la machine à poser, la machine à baiser, baiser. C'est la machine à baiser. Oh! Oui, ça a été sérieux, c'est très sérieux. Plus sérieux que ça, là. Ça se dit pas. On peut le dire. Non. Cache ça. Oh mon, cache-toi. No, Rita. No, cache ça. Impossible. Oh! Rock and roll. Hommage aux Stooges. No fun to be alone. Est-ce que ça vous dérange, ma chaise? Oui, parce qu'après, je ne peux plus accéder. Je ne viendrai rien travailler. Alors, à quelle heure? Ok, d'accord. Mettez-vous là, ici. Voilà. Pardon? Oula, il va y avoir du bruit ici. Ah, mais c'est pas grave. Ah bon, d'accord. Ah, mais c'est fait pour. C'est fait pour. Alors, c'est le bordel, c'est bien, c'est mieux. Ah, ouais, mais non, pas si, c'est pas si pointable que ça. Êtes-vous né à Paris? Ah, je suis né à Paris, ouais. Ah, ouais, c'est pour ça que vous vous sentez à l'aise dans la jungle parisienne. Oh, bah, oui, quand même, j'ai l'habitude. On a entendu parler de vous. Ça marche, là? Oh, ça fonctionne. Ah oui, comme ça, vous faites ça tout d'emblée, vous. Ben plus vous que... Il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème. Alors, racontez-moi un peu votre vie. Ah, mais c'est ça. Moi, j'anime une émission à CKRL, qui est une radio communautaire à Québec. Ah oui, oui. Et donc, dans le cadre de mon émission, ben, ce que l'on fait, c'est des rencontres. C'est le samedi, c'est une émission déjantée, explosive, où l'improvisation a sa place et on ne sait jamais à quel endroit. À l'arrache, quoi. L'émission, pardon? À l'arrache. Oui, effectivement. Effectivement, oui, à l'arrache. Et donc, c'est ça, je rencontre régulièrement des artistes, des chanteurs, des comédiens. Et pendant 2-3 semaines, un mois, je leur rends hommage les samedis. À travers mon émission, je place des entrevues, dont celle que nous allons avoir. D'accord, là, vous rentrez bientôt Samedi. Ah, ouais. Je suis arrivé vendredi. Moi, j'ai toujours été au Canada en hiver. Whatever happened to your life? Stone On est dans la rue, enfin disons que la tomate a effacé le gazon. Et le champagne, c'était du Fanta. Les jours de fête à table, il n'y avait que ça. Une rue qui n'était pas les Beaux-Arts, où Mohamed Ali a mis K.O. Mozart, où la friture est à l'ami Schubert, ce que t'es mort est au petit Robert. Et rue des filles qui voulaient pas de nous, des frisés et dans tes cheveux y'a des poux. C'est un bonnet qui nous l'enseigne, ici les têtes n'avaient pas besoin de peigne. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. Je suis né dans la rue, pas dans la pire, où les caries vous interdisent de sourire, où les nouveaux-nés entrent dans la danse, car chaque jour on fêtait une naissance. Ici tu chopes la cave et t'en ris, ici l'hiver à manger la menuiserie. Donc une règle, si tu n'es sois robuste, pas de caliméro pour dire c'est trop injuste. Rue où le feu c'était des femmes jalouses, pas consolées par les guitares andalouses. À 14 ans les filles rêvaient d'être mères, pèlerinage Sainte Marie de la Mer. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. C'était pas la ruelle, c'était rue des Chameaux. Une impasse où je t'aime était un gros tuyau, où les prénoms tu pourras le vérifier sont pas de ceux qu'on trouve dans les calendriers. Pas la rue des déclinaisons latines, on s'appelait devine mâche et machine. Et le cuivre, la ferraille et même le zinc était unique et à l'âge des magasins. Et comme l'a dit l'autre, vive la France. Rouler Peugeot 102 sans assurance, à rue de si t'es pas d'ici je t'escorte, à moins que tu vendes ta Ford Escort. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant. Passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. Dans la plus pure des traditions errantes, les circuits cheminent, mine de rien, vers un exil, un néant. Toi, tu fais dans l'arrache, hein? Oui, je fais dans l'arrache, moi, merci. Je fais dans l'arrache, j'en arrache. J'en arrache. Est-ce qu'on peut appeler Jean... Non, on n'a pas le temps. J'en arrache, j'en arrache. En arrache, j'en arrache, j'ai pas de bon sens, j'en arrache. Mon ami, j'en arrache. Comment ça va, mon j'en arrache? Ben, ça va bien. Ah, tu peux parler? Je peux parler. Alors, il y a donc, j'ai comme le tympan qui se divulgue. Tu peux divulguer ton tympan, oui. J'en arrache. Oui. C'est toi, mon j'en arrache. Oui, c'est moi. OK. Hey, moi, je suis dans l'arrache, mon j'en arrache. Ah oh, oui, bien, j'ai entendu, hein? Toi, tu fais dans l'arrache, hein? Oui, je fais dans l'arrache. Et dans l'arrache. L'arrache aussi. Plus tu creuses, plus il y a de l'arrache. Plus il y a de l'arrache, plus t'en arraches. Plus t'en arraches, c'est de l'arrache, c'est de l'arrache, c'est de l'arrache. Dans le plus pur, dans la plus pure. Hé, hey, t'en arraches. Hé, longe tous les boutons, toi. T'es le genre d'apprécier surtout. Ah. Je sais jamais quelle réaction le bouton va avoir. Moi, je pèse sur toutes les... Comme un adolescent, là. C'est génial. Moi, tu fais dans l'arrache. Oui, je fais dans l'arrache, oui. Et puis ça riche, et puis ça arrache, voulait se marier. Et puis ça riche, et puis ça arrache, voulait changer de métier. Et puis on lui a dit que devant toi, il y a des bigoudis. Ah ben, ouais, et puis ça arrache le bigoudi, et puis ça arrache le bigoudi, et puis ça arrache le bigoudi, et puis ça arrache, et puis ça arrache la wiggly, et puis ça arrache le bigoudi. Ah non, moi j'en arrache. Oh, c'est... tout le monde me le dit, hein. Ah, oh, arrête de faire cette émission-là, t'en arraches. Oh, plus t'en arraches, plus le monde, elle s'arrête toi, ça. Ça veut dire ça, mon petit Jean-Marc? Oh, on sait tout ça. Mais là, c'est oui. Dans la plus pure, mais l'écho, dans la plus pure des traditions errantes, les circuits cheminent, mine de rien, vers un exil, un néant, un je ne sais quoi d'irréel. Irréel. Allô? Irréel. Allô? Irréel. OK, encore, c'est pas le moment. C'est jamais le moment ici. Cette semaine, j'ai hâte que ce soit le moment. On me le dira jamais. On me dit, là, c'est à ton tour, c'est la place, là. C'est à cet instant la stratégie que tu dois placer et non pas avorter. Qu'est-ce que t'as contre l'avortement, toi? J'ai rien. Pourquoi tu dis le mot avorter? Ben, parce que avorter, placer avant le terme, interrompre avant le terme. On sait ce que ça veut dire, avorter. Jean-Lune, je fais dans l'arrache, moi, monsieur. Ouais, ouais. Toi, tu fais dans l'arrache, hein? Oui, je fais dans l'arrache. Cette semaine, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons et plucherons. Ça, c'est monsieur Dreyfus qui me l'a dit, ça. Quand il m'a vu pour la première fois, il dit « Ah, oh, lui, il fait dans l'arrache. » Oh, oh, oh, oh, oh. Il fait dans l'arrache. Cette semaine, et ça, jusqu'à il a eu pitié de moi. On a eu pitié de toi. Tous ceux qui, devant l'Éternel, se demandent « Pourquoi ne chantent-ils pas la ritournelle? » Ils ont pitié de toi. Ils ont pitié de toi. Toi, Reynald, Jacqueline, Suzanne, qui devant l'arrache ne veut pas l'extraire, on a pitié de vous. On a pitié de vous, c'est pas de toi, c'est de vous. Et tous les interrupteurs, les stratèges qui veulent que tout se termine, on a pitié de vous. On a pitié de vous. Ouais, on a pitié de vous. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, on a. Oh mon Dieu, on n'a plus, hein? On n'a plus, mais on va en faire d'autres. Cette semaine, et ça, de l'humour instantané. S'il vous plaît, vous mettez deux sachets d'humour instantané, brassez ça avec de l'eau chaude, mais pas trop chaude, parce que si c'est trop chaud, on s'ébouillante, puis on arrache en avant. Ah, moi, je fais dans l'arrache, moi. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « chance ». Chante ta vie, chante, comme si tu devais mourir demain, pa-pa-pa-pa-pa, comme si tu avais de belle importance. Chante, oui, chante, mais ne fais la même, comme même si tu es. Même si tu l'es. Ah, si tu. Ah, y a pas de chance. Y a jamais eu de chance. Attends, on va. Oui. Ah. On est dedans. On est dedans. On est dedans. On voulait pas s'en aller. Mais même, il y avait le pot. Hein? Il y avait le petit pot. Puis on avançait vers le petit pot. Puis il y en avait du petit pot. Il y avait un grand seau. Dans le grand seau, il y avait des seins noirs. Il y avait une fontaine. Puis on a dit, Jean, il y avait pas de chien. Il y avait une fontaine, une belle fontaine, une grande fontaine, une grande fontaine, une grande fontaine, une grande fontaine, une grande fontaine, une grande fontaine, une grande fontaine, une grande fontaine. Toi, tu fais dans l'arrache, hein? Oh, je fais dans l'arrache, moi. Mais j'ai pas de chance. J'ai jamais eu de chance, puis là, surtout que j'ai jamais demandé ma première et ma dernière chance. La chance, je crois pas à ça. C'est comme l'astronomie, en tout cas les planètes, puis Saturne, puis Platurne, puis Pluton, puis Uranus, puis Rectus, puis Pluton, puis Anus. Moi, j'ai jamais cru ça. Moi, là, on m'a dit, là, Uranus puis Anus font ensemble une confrérie là, sociale, moi, la société extrapolaire, là, moi, là. Ça m'a pas l'air de fonctionner pour moi. Puis on m'a dit que j'étais Gémeaux ascendant crétin. Moi, ça me ressemble, ça, là, ascendant crétin. Parce que quand tu dis ceci, un jumeau en deux, qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux personnes. Ben, des personnes. Faut pas exagérer, là. On m'a dit que j'étais que l'ombre de moi-même. Arrête de dire ça. OK. Que j'étais quelque chose de hideux. Oui, hideux. Hideux, hideux, hideux, hideux, hideux, hideux, hideux, hideux. Non, c'est la Heidi, là. Heidi, Heidi, non. Ça, c'était mon Heidi. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de cette bande dessinée. Ah, pour bande, ça a été dessiné pas à peu près. Oui, mais c'était sur des crayons. Non, c'était pas dessiné sur des crayons, c'était sur du papier. Ouais, mais le papier. Ah ouais, mais là, c'est les crayons qui caressaient le papier. Oh! Et plus ça caressait, plus ça faisait des belles images. Puis là, on voyait Heidi dans sa montagne avec son grand popo. Puis son grand popo, lui, aimait beaucoup Heidi. Puis il voulait pas qu'Heidi... Il voulait pas qu'Heidi... Heidi, des choses pas très gentilles. Fait que là, son grand-père disait, Heidi, Heidi, c'est pas ça, toi, c'est pas vrai. T'es une belle petite fille, tu vas réussir dans la vie. Tu vas devenir danseuse. Danseuse. Danseuse. Quelle sorte de danseuse? Ben, de danseuse, là, avec pas beaucoup de budget, donc très peu de linge. Une danseuse, pas de linge. Une danseuse, pas de linge, pas de fringues. Oh, une danseuse, pas de fringues, pas de fringues. Et puis là, eh ben, ça déglingue, hein. Quand la danseuse a pas de flingue, a pas de flingue, elle a un flingue, elle se déglingue. Non, c'est pas ça, là. Des fringues et des flingues. Oh, des fringues et des flingues. Oui, quand une danseuse a pas de fringues, elle doit avoir un flingue. Parce qu'on sait jamais qui peut nous arriver par derrière quand on est dans ce milieu-là. Hein. Il y a des pervers pépères, des errants rénaldiens qui attendent juste cette chance-là. Ben voyons donc, c'est du bon monde, ce gars-là. C'est un bon monde. C'est un gars qui a jamais voulu ça. Puis même tout, hein, toute sa naissance jusqu'à maintenant, ça c'est ça, là. C'est ça, puis on peut pas dire autre chose. Ah oui. Très, très passé, là. On lui donne aucune chance. Ça s'arrête là. Effectivement. À peine éclose, la fleur de l'âge se flétrit. Je vis avec ce genre de rose au parfum tout juste fleuri. Le temps qu'il a mis à figer sur son regard quelques ridules. D'autres ont tenté de les cacher en maquillage ridicule. Mais sur la jeunesse suppose quelques atouts innocents qui font que le regard qu'on pose sur elle nous semble vite indécent. La facilité qu'une jupe a de se lever me ravit. Mais voilà, je ne suis pas dupe de ces fausses facéties. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle. À peine au sortir de l'enfance viennent tout juste éveiller le plus sensible de mes sens. Elles ont pourtant la fraude habile dans le refus d'être des mômes et trompent les yeux les plus subtils de leur sensualité fantôme. Mais être une femme suppose de tout autres arguments que ceux que ces filles exposent inexorablement. Si ton corps calme cette jupe, c'est mon regard que tu ravis, mon âme que tu préoccupes, et mon corps qui crie merci. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle. C'est mon regard que tu ravis, mon âme que tu préoccupes, et mon corps qui crie merci. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te va et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te va. Au Québec. Québec, Montréal, Shawinigan. Shawinigan? J'ai même été à Shawinigan. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe à Shawinigan? Un très beau théâtre à Shawinigan. Ok, vous avez joué à Shawinigan. J'ai été joué, bon, j'ai été faire une tournée aux États-Unis, mais il y a 25-30 ans hein, ça quand même. Et puis donc aux États-Unis, puis au Canada, donc Québec, Montréal et Shawinigan. On n'a pas été ailleurs, non. Et on jouait à l'époque huis clos, no exit. Et puis si Camille me voyait, if Camille would see me. Et alors je jouais dans les pièces et puis en même temps je faisais les costumes et les décors. Oh ok, donc ouais. C'était artisanal. Et c'était une mise en scène de mon professeur d'art dramatique à l'époque qui s'appelait, elle est morte la pauvre, qui s'appelait Tania Balachova. Oh mais c'était à vos débuts. C'était il y a 30-35 ans, ouais, oh, ouais, ouais, ouais. 35 ans. Mais c'est-à-dire moi j'ai commencé un peu tard aussi déjà. Ok. J'ai commencé à faire de la prestidigitation pendant des années. Illusion, maintenant je ne fais plus qu'illusion, c'est tout. Oui, oui. Sur scène. Mais... Et après j'ai fait pendant plusieurs années aussi un grand spectacle. Bonjour mademoiselle. Vous allez bien? Ben oui, très bien. J'ai fait pendant plusieurs années aussi, c'est-à-dire 8 ans, j'ai fait un très beau spectacle qui s'appelait La Grande Gêne, qui était un spectacle. Qui était un spectacle d'illusion aussi, mais qui était un spectacle de travesti. Il y a 25 ans. Hein ? Il y a combien d'années ? On a fait ça, ah bah oui, il y a 25 ans aussi. Tout ça, c'était dans les 40 dernières années, quoi. Sonate sauce poulette, mon morceau préféré. Une bouche Stravinsky, James Brown au Sauvignon. Une contrebasse Matie et mon sucre fait un son. Délicieuse friture électronique. Les couteaux et les fourchettes vont sonner. Mais le plus savoureux des jerks est à danser. Un crooner label rouge en conserve yéyé, chante avec une courge, un potage rythmé, nectar de cha-cha-cha et grandiose harmonie d'asperges. Pop music en nougat, chou farci façon Serge, vinaigrette d'eau décaphonique. Les couteaux et les fourchettes vont sonner. Mais le plus croustillant des jerks est à danser. Les fourchettes vont sonner. Mais le plus savoureux des jerks est à danser. Les couteaux et les fourchettes vont sonner. Pour le plus savoureux des jerks faire mijoter. Tourne le manche chez moi. Et sirop d'opérette, petit radis funky, Ravel en cassolette, du bebop en terrine à la de Joe sur canapé, minestrone en dessine et trompette en gelée. Pour which way to turn. I got this ticket to use. Through childlike ways, rebellion and crime, to reach his point and retreat back again. The broken hearts on the wheels that have turned, the memory scarred and the vision is blurred. No, I don't know which way. Don't know which way to turn. The best possible use. Just passing through till we reach the next day. Tu la ramènes? Tu la ramènes, cette mine aiguisée au couteau, cette forme d'humeur qui meurt sur ton visage. Tu l'amènes, même pour les autres, les prises en otage, sous l'orage. Veulent-ils quitter l'enragé qui te compose? Question pour une réponse enflammée. Nouveauté, nouveauté, nouveauté, nouveauté, thé, est-ce qu'il y a du thé ce soir? On va en verser une. Oh, OK, on se demande, là, Mme Tremblay, Mme Thibodeau, puis surtout Juliette Bébeau. Oh, pas la belle Juliette Bébeau, on se la demande, là. Oui, oui. On va en verser une. OK, on va en... Attends un petit peu. On va en verser une. OK, on va en verser une, j'espère, j'espère. On est très attentifs, là. Hein? Nouveauté, nouveauté, sort de ce corps, mille trésors. On va en verser une. OK, une quoi? Une quoi? On le sait plus. On sait pas. On l'a jamais su. Vous? Ah, mais on cherche encore, hein? OK. On va peut-être le trouver. Il nous reste combien de temps? 49 minutes. Pas 49 minutes. On trouve... Premièrement, ça prend des années à trouver tout ça. Croyez-vous qu'en 49 minutes, on pourrait synthétiser toute cette affaire pour en arriver à une conclusion? L'attente? Pas l'attente, pas l'attente, pas l'attente. Donc, on l'attendra pas. Mais une... Non, pas provisoire, mais finale! On finira là-dessus. OK, ce sera le punch. Le punch. On aime ça, le punch. Oui, le punch. Est-ce qu'il y a du punch? On a du punch. Du punch. Aux fruits défendus. Oh, c'est défendu d'en boire avant la fin de l'émission. Nouveauté, nouveauté, sort de ce corps, mille trésors. Oui, cet atelier d'improvisation se consacrera aux esprits. Oui, oui, oui, nous discuterons avec une personnalité morte. Je pense qu'on l'a amené tout à l'heure, là. Sans le savoir, là, on voulait pas, là, mais il faisait noir. Puis on se disait, comme on est seul, puis devant tout ce monde-là, on est peut-être... comme disait Alain Bachung, noir de monde. Nous discuterons avec une personnalité morte aujourd'hui. Entrons en communication avec... Mon grand succès. Merci, madame. Merci, mademoiselle. Merci, monsieur. Dalida. Pas Dalida. Oui, Dalida. On aimerait faire un tour de Dalidas. Oh, OK. Dalidas, Dalidas, Dalidous. Non, on est 11, OK, dans les 11. Dalida, Dalida, dans les 11. Non, ça fonctionne pas, hein. Dans les ronces, dans les ronces. Oh, oui, bien, avec Dalida, ça va bien. Dalida, Dalida, dans les ronces. Dalida, Dalida, Dalilidou. Hey, c'est toi là-bas dans le noir. Qui ça? Mon noir, mon gyrophare, mon gyrophare au noir. Oh, mon noir dans le gyrophare. C'est toi là-bas dans le noir. Oui, mon gyrophare dans le gyrophare. Oh, c'est très fort dans le gyrophare. Dalidaz, on t'en amènerait ici au premier étage. Si tu voudrais descendre du ciel, c'est quoi? C'est le septième ciel, donc c'est le sixième, la sixième nuit. Son dernier film, sixième nuit, troisième ciel, sixième ciel, deuxième nuit. Premier doigt, deuxième trois, quatrième dose. Ah, les gens sont pas habitués, ils savent pas qu'est-ce qu'on veut dire. On veut la descendre, descendez-la. Si vous voulez, madame, êtes-vous dans l'exutoire, là? Descendez, madame Dalidaz, s'il vous plaît, avec sa grande robe, là, pis ses cheveux, là. Et voilà la voix des 8 ans, il est beau comme un enfant fort qu'on aime. C'était l'été, évidemment, et j'ai vu des dents de chambre les nuits d'automne. J'ai mis du noir dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Et je me suis dit simplement, j'ai pas 18 ans. Toi, tu fais dans l'arrache, hein? Oh, je vais dans l'arrache. Donnez ses nuire. Et voilà la voix des 8 ans, et les bonbons, sacrement, c'était l'automne là. Et puis là, mais c'est pas juste ça, là, c'est... On lit des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Et monsieur Torturlute, j'ai la turlute fragile parce que je suis dans la rage, comme disait monsieur Dreyfus, et puis... Ouais. Toi, tu fais dans la rage. Ah oui, moi, ça paraît-il? Ça se paraît toujours. Oh, mon dos. Des mots magiques, des mots fragiles, c'est bien trop beau. Oui, bien trop beau. Et puis, mon grand succès, des jingles, oui, monsieur. On y va. 1, 2, 3. Mettez l'écho autrement, s'il vous plaît. L'écho autrement. Autrement. OK, comme ça. On y va. J'ai mal à la tête. Oh, mon dos. Poumon branché. Steak tranché. C'est pas ça, non? Je vais vous la raconter. La raconter. Avant de me quitter. Tu vas te quitter? Je vais me quitter. Ce soir. Près d'un village. Près de Napoli, j'étais tout seul. Mes tant d'amis me composaient. Et le train arriva. Et Gigi s'éclama. Gigi. Allez, va. J'ai la rose, toujours ne me perdre son comme jamais s'entendre soit. J'ai la rose, toujours vainqueur parfois sans cœur. Non, là-bas dans le noir, tu n'as pas son cœur, mais qu'un seul. Madame Tremblay m'avait dit que j'en avais pas du tout. Mais là, quand je lui ai monté toutes ces choses, hein, elle s'était acheté un micro-ondes. Puis depuis ce temps-là, elle capte plus rien, mais plus d'ondes. C'est quoi, elle, c'est à peine si elle peut l'entendre, là. Puis c'est moi qui, grâce à ma radio très, très élevée, elle peut écouter Errance Rénaldienne. Sinon, t'entends-tu cet écho-là? Je l'entends. Tu l'entends? Nous l'entendons. On l'entend. Aïe, donc ça fait mal. Tu m'entends? Oui. Dalida? Oui. C'est toi là-bas dans le noir. Attends, Dalida, ne parle pas, laisse-moi te regarder, mais tu pleures, Dalida, mais ça n'a pas été là-bas, là, dans le surnaturel, dans la mort. Quoi, tu veux revenir ici, ma Dalida, mais quoi? Tu as voulu t'exclure à nous, tu le regrettes maintenant, je te comprends, ma belle Dalida. Tu souffrais, mais maintenant, tu es encore plus pénible parce qu'on ne peut pas avoir tes grands cheveux, tes yeux et ta belle bouche nous chanter des chansons d'amour. Hey, c'est beau. Dalida, non, ne reviens pas à moi, remonte en haut et va retrouver tous tes... J'allais dire ton troupeau. Ah oui, on va le dire. On n'a pas peur de ça, hein, parce que comme disait monsieur Chose, là, monsieur, là, c'est pas monsieur Chose, c'est monsieur... Toi, tu fais dans l'arrache. Ah oui, moi, je fais dans l'arrache, monsieur. J'espère que c'est connu, puis c'est entendu, puis on aime ça, hein. Ramène ton cochon, madame Tremblay. Ramène ton cochon, pas ton mari, ton deuxième cochon, là. Le cochon qui... Oh, mon Dieu, on aime celui-là. Le gros cochon. Ah. C'est le temps. Oh, mon Dieu, on a des cochons à volonté, si vous voulez rentrer. Well, I'm back in the county hell. I just threw in arms, it feel like hell. I'm so glad to be back in the county hell. sure I burned London to the ground. I'll go back home to Nina and get pissed every night in town. Like the old folks say, you can't keep a good man down. And the poor French aristocrats still drinking in the pub. Junkies are still sneaking in to fix up after dark. Just the late at his bar, French, that was his own city. Singing like a fallen angel, me and Bobby. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing if it ain't free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby signed the blues. Feeling good was good enough for me. J'ai commencé à faire du théâtre un peu plus tard, vers 30 ans. Quoi. Mais durant votre carrière, vous avez fait souvent les travestis. Avez-vous déjà joué des pièces de Michel Tremblay? De qui? Michel Tremblay. Non, je n'ai jamais joué Michel Tremblay, non. Ben, vous connaissez Michel Tremblay avec les belles-sœurs et... Oui, je connais, mais pas très bien, en fait. Pas très bien. Je connais vague, très vague. Okay. Mais je n'ai jamais joué, donc je n'ai pas eu l'occasion de... Non, j'ai joué, c'est-à-dire pendant 7-8 ans, j'étais... c'était un spectacle de cabaret que nous faisions. Et on est resté 6 ans à Paris, avec un énorme succès, parce que c'était un spectacle vraiment luxueux et tout. Et après, on est parti pendant un an et demi, 2 ans en Italie, dans les grands théâtres, parce qu'ici, nous avions un cabaret de 250 places. Hein. Et après, nous avions des salles, on jouait à Milano, au Manzoni, ou à Torino, un peu partout en Italie. Et après, j'ai arrêté d'emblée comme ça. J'ai arrêté parce que ça suffisait, quoi. J'avais pas mal donné, on avait fait 2 spectacles comme ça, qui s'appelaient La Grande Gêne. Je m'appelais à l'époque sur scène, je m'appelais comme je m'appelle aujourd'hui, mais je m'appelais Hermas and Scratch. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu vois un nom exotique? Non, parce qu'il y avait Belle de Mai. Okay. On se partageait le spectacle avec Belle de Mai, qui malheureusement est mort il y a un an. Ah, c'est le téléphone, ça fait partie du jeu aussi, j'ai oublié de l'éteindre. Je regarde qui c'est d'abord. Ah, je réponds 2 secondes. Oh, allez-y, il n'y a pas de problème. Thank you. C'est un rubens, c'est une hippopotame avec un nez comme un marshmallow. Et si j'en pince pour cette hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai le prix de gros. Ah, quel suspense sur mon hippopotame avec un nez comme dans Quasimodo. Les ressorts grincent sous l'hippopotame, mais au-dessus je me sens bien dans sa peau. C'est pas une mince affaire, cet hippopotame avec un nez comme dans Chicono. Quand elle me coince mon hippopotame entre ses deux groseilles à macro, puis elle se rince vite fait l'hippopotame avec un nez comme dans lavabo. Elle redevient princesse hippopotame et me refile mon petit cadeau. Oh, l'hippopotame, 350 livres d'amour ou 145 kilos. Sensation forte. Très fort. Ah, quel suspense sur mon hippopotame avec un nez comme dans Quasimodo. Les ressorts grincent sous l'hippopotame, mais au-dessus je me sens bien dans sa peau. C'est pas une mince affaire, cet hippopotame. Avec un nez comme dans Gigolo. Quand elle me coince, mon hippopotame entre ses deux groseilles à macro. Puis elle se rince vite fait, hippopotame. Avec un nez comme dans lavabo. Elle redevient princesse, hippopotame. Et me refile mon petit cadeau. C'est un ruban, c'est une hippopotame avec un nez comme dans marshmallow. Si j'en pince pour cette hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai les prix de gros. Les prix de gros. Ah, les publics. Oh. Oh. Oh. Ah, Catherine. Oh. Catherine. Oh. Oh. Oh. Elle a trouvé. Oh. Elle a trouvé Catherine. Oh. La nuit. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit longe la loge illicite, l'interdit cité. Ici et là, dans les soubassements du non-dit, sous un silence où seul autre versant connaît l'éblouissement secret. Ah, on en verse une. Les rangs, on peut-tu le refaire? On va en verser une. Ah, c'est mieux dit, ça, là. Hey, quand on reprend deux fois, c'est toujours mieux que la première, hein? Mais pas le, ce texte-là, ça a été unique. Alors, l'errance rénaldienne, tout est unique ici. Tout est unique. Tout est unique. On demanderait, s'il vous plaît, surtout la compréhension de Mme Tremblay. Oui! Est-ce que c'est unique? Ah, mais moi, je trouve ça tout à fait étrange. Pas unique. Ben oui, unique et étrange. Ben si c'est étrange, c'est unique. Parce que tout doit être selon les normes, hein? Pardon? Tout doit être selon les normes? Ben oui. OK. Quand ça... Attends, est-ce que je peux prendre les micros? Non. Alors, je vais traduire. Ben, arrêtez, là. Ben, écoutez, il n'y a pas trop de choix, là. Ben, s'il vous plaît. OK, prenez le micro. Alors, moi, je dis... Oui, allô, madame? Allô? Ça va bien? Allez, arrêtez de faire ça, madame. Vous êtes à la radio. Oh, ouais, je suis à la radio. Alors, moi, je dis... Bon, OK, arrêtez de dire. Mais maintenant, je veux. OK, tu veux quoi? Vous voulez quoi? Je veux dire. Ben, dites-le. Alors, je veux dire que Tout est dans le sous-bassement. OK. Ensuite? Ben c'est ça. Ah, c'est juste... Hey, madame, vous m'avez demandé de prendre le micro. Ben, je le prends. J'ai comme deux langues actuellement. C'est normal. C'est le micro. Le micro a une langue? Ben oui. La langue d'audition. J'ai jamais compris ça, la langue d'audition. Moi, j'ai pas appris ça à la petite école. Bon. À grande école non plus, OK? À moyenne école, puis il n'y a pas d'école pour la petite et la grande audition. C'est quoi l'audition? Ben, c'est écouter. Écouter qui? Écouter le micro. Oh, il faut écouter le micro. Attends un petit peu, écouter le micro. Ben, il dit rien, le micro. Ben non, écouter le micro, c'est-à-dire quand vous parlez, oui, écouter le micro. Ben, OK, allô? Allô? J'écoute le micro, mais il dit rien. Mais non, c'est une... Ouh, madame, là, c'est une manière de dire la chose. La chose, quelle chose, Amand Lowe? Hein? On dit, hey, veux-tu faire la chose? Ben, oui. Veux-tu dire la chose? Ben, dis-le la chose. Ben, c'est ça. Quand vous parlez, madame, OK, il faut s'écouter parler. C'est presque ça. Je divulgue quand même quelque chose d'important. Arrêtez ça, on n'aime pas ça, l'importance. L'importance, ça se cherche à travers l'insignifiance. L'importance. Non, mais l'important, là, c'est pas le temps qui nous reste, là. L'important, c'est d'écouter ce que l'on dit pour ne pas être trop éclaboussé par quelque chose qui pourrait paraître aux auditeurs comme étant, absurde! Oh mon Dieu! Comment dire? Absurde! On aime ça pas. L'absurdité, c'est pas notre tasse de thé. Oh non. On va en verser une. Oh non, mais une tasse de thé, non, madame. Non, madame, faut pas en verser une parce qu'il nous en restera jamais avant la fin de l'émission. Moi, mon thé, je le bois tranquillement pour me reposer. C'est un peu comme la tisane. Comment? Suzanne n'est pas là. Non. J'ai jamais dit Suzanne, moi j'ai la Suzanne. Oh, OK, c'est quoi ça? Ben, c'est une petite poche. Ah oui, OK, elle est poche, Suzanne. Non. Non, Suzanne n'est pas poche. Mais c'est la tisane que tu prolonges dans l'eau, OK? Au bout de la corde. Oh mon Dieu, ça me fait penser à mon ancien sculpteur. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben mon ancien sculpteur, lui. C'est placé au bout de la corde. Oh, mon Dieu! Oh, puis là, il voulait faire les lustres de crottin. Oh, mon Dieu! Avec le bras, puis le poing. Puis là, ben, en se lâchant en bas de la corde, ben... Il s'est pendu. Oh, mon Dieu! L'errance! Hey, on a perdu quelque chose. Est-ce qu'on doit continuer? On a perdu quelque chose. Est-ce que c'est important? Oh, non. Oui, on ne sait pas. Prenons quelques secondes, s'il vous plaît, pour vérifier le tout. Avez-vous la seconde? Non, on a la minute. On va la prendre. Non. OK, on verra plus tard. L'errance rénaldienne, tout se décompose actuellement. Là. C'est l'émission. On va en verser une. Non, c'est terminé. Là, puis on sait même pas par où on va terminer. Puis Croyez-vous que ça va continuer? On cherche, là. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. On a perdu un morceau, mais on sait pas lequel. C'est lequel? On sait pas. T'es excité? Non? J'ai peur. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Je vais comme faire ma... Tout à l'heure, là, je vais me retirer, me placer à terre, faire comme une prière. Puis pour regarder, qu'est-ce qu'il y a à terre? Qu'est-ce qu'il y a à terre? De la poussière. Pis quoi? Pis quoi, ben, sans doute la chose que j'ai échappée. Qu'est-ce que t'as échappé? Ben, la chose! Quelle chose? Je sais pas, moi! Repassons l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Et cette icône, c'est Claude Clich! Claude Clich! Qui c'est? Claude Clich! Oh, pas Claude Clich! Claude Clich! Connais-tu Claude Clich? Je connais Carl Clich, non? Non, Claude Clich. Claude Clich. Je connais Lèche la Liche, mais Claude Clich. Ah, c'est son frère! Non. Sinon, ça serait Lèche la Cliche, mon corps. Non. Claude, c'est pas le vulgaire, cette émission-là, là. C'est pour les enfants. Bonjour, les enfants. C'est réel. Ouais, monsieur. Non, c'est pas le moment, là. Non, c'est jamais été le moment. Arrête de dire le moment. Je pense qu'à chaque. Je crois. On pense pas parce qu'on est. On fait pas partie de cet amalgame élitiste des penseurs. Nous sommes que des réflectoires, des frères, on réfléchit. Oh. Les penseurs amènent l'idée et nous, on réfléchit. Oh. On réfléchit l'idée. On avait compris, on n'est pas des sans-déchis. OK, vous êtes des indéchis. Oui, Claude Cliche, des indéchis. Claude Cliche, des indéchis. Claude Cliche, des indéchis. Claude Cliche est une danseuse. Oh, Claude... Ah, oh, c'est Claude féminin, pas Madame Claude. Non, Madame Claude, c'est Claude Cliche. Oh, la belle Claude Cliche. Ah, Claude Cliche, la régliche. On l'aimait, la régliche de Claude Cliche. On lui disait, Claude, ça me fait un peu masculin. Là. Elle disait, tu trouves, quand elle disait, tu trouves, elle trouve, hein. Là, elle avait le rrrr, hey, monsieur. On savait qu'elle venait de Montréal. Hein. Elle avait le ronronnement. Claude Cliche. Ah, mon Dieu. Danseuse travestise. Ah, comme Monsieur Dreyfus. Mais Monsieur Dreyfus n'a jamais été danseur, ni danseuse, travesti, travesteuse. Mais notre Claude Cliche, elle l'était. Ah, mon Dieu. Quelle extravagance avec ses plumes. Puis là, elle nous chantait. Mon truc en plume. C'est trois fois rien, mon truc en plume. C'est trois fois rien quand je l'en vends. De l'éclume, mon truc en plume. Tu ne sais rien, tu ne sais rien. Mon truc en plume, mon truc en... Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms. Affolé. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise. Et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux enfant. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise au marquise. Je suis en interview, mais dis-moi. Je suis dans... Allô ? Allô ? Allô ? Allô, allô ? Il y a de la merde dans le tuyau. Allô, allô ? Allô, tu m'entends ? Allô, allô ? Bon, bah, rappelle-moi d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que là, je suis dans un entretien avec un monsieur québécois. Alors, je vais bientôt avoir l'accent. Je ne sais pas si tu m'entends. Bon, à plus. Mais c'est, là, c'est un ami qui est en, moto. Alors, je vois, il roule en moto. Oui, mais il a un casque et tout. Le bout du moteur, c'est déjà assez pénible. Mais il s'est peut-être arrêté là, mais je ne sais pas, mais ça marchait pas bien apparemment. Okay, et donc, il y avait Belle de Mai, je reviens. Mais moi, vous suivez, vous avez la fuite. Oui, oui, j'ai la suite dans les idées. Mieux vaut avoir la suite que la fuite. Ouais, il y a Belle de Mai, c'était Jérôme Nicolin, qui était un magnifique acteur, qui est mort l'année dernière et qui a fait un gros succès après. Quand moi j'ai commencé à jouer du Claudel, lui il a fait un gros succès avec Les peines de cœur d'une chatte anglaise. Ah, ça revient. Il n'a pas compris, il ne m'entendait pas. La zenana, c'est dans la voix et dans le geste. La zenana, c'est zenana avec un zeste. La zenana, quand t'as la jupe à ras-le-bonbon. La zenana, c'est pas compliqué mais c'est bon. La zenana, que ça vous mate ou que ça vous touche. La zenana, c'est l'eau courante au fond de la bouche. La zenana, et quand ça vous refile une galoche. La zenana, tu joues complet dans ton cinoche. La zenana, c'est dans la taille et dans le face. La zenana, c'est zenana et puis c'est basse. La zenana, quand t'as chômé devant son cul la zenana. Les chômeurs, ça coupe pas les rues. La zenana, que ça se traîne ou que ça se trimballe, la zenana, au septième ciel, tu fais tes mal, la zenana, et puis lui redemande un ticket, la zenana, pour t'emballer au bout du pied. La zenana, c'est du jasmin sous une guenille, la zenana, du cous humain en espadrille, la zenana, c'est une prison dans sa Bastille, la zenana, c'est du vison en haut des quilles. La zenana, quand ça t'emballe au bout de la rue, la zenana, ça te fait marron et ça te lâche plus, la zenana, quand ça vient lire au fond du pal, la zenana, t'as même plus le temps de tourner les pages. La zenana, c'est des baisers, c'est des caresses, la zenana, à défoncer le tiroir caisse. La zenana, c'est de la panthère qu'on te sert en tasse, la zenana, faut laisser faire et puis ça passe. La zenana, c'est comme un ange qu'aurait pas d'elle, la zenana, c'est un jouet au bout d'une ficelle, la zenana, c'est un chagrin qui va tout nu, la zenana, c'est un cri perdu dans la rue. La zenana, c'est dans la voix et dans le geste, la zenana, c'est zenana avec un Z, la zenana, quand t'as la jupe à râle bonbon, la zenana, c'est pas que c'est gagné, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois l'amour au fond là-bas. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Léo, c'est bon, c'est bon. La vie, plus petite que soi, mais tu ne la vois pas. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai quitté ta main. Regarde-moi là-bas, je reviens. Un peu plus haut, un peu plus bas. Et c'est la fin. Un peu plus bas, c'est la fin de quoi? Oh mon doux, ne la lâche pas. Tu verras si c'est demain. Non, c'est aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. C'était Errance Rinaldienne. Oh non, je ne tourne pas. C'est beau. C'est pas beau. C'est pas beau parce que on va sortir nos papiers mouchoirs, notre tristesse à volonté, nos larmes à volonté et notre émotion. La serrater, il n'y a pas trop d'émotion. Madame Tremblay, ben moi, c'est pas le temps, là. Je suis en train de saucer ma sauce. Tu sauces ta sauce. Ben oui, je sauce ma sauce à spaghettis. Qu'est-ce qui se passe? Que des bêtises. Que des bêtises. La viande ne veut pas s'amalgamer avec les carottes. Les carottes? Les carottes. Les tomates? Les tomates, les carottes, les tomates, les carottes. Et comme disait M. Dreyfus, attention, je commence à avoir l'accent, moi, hein? J'ai l'accent au bout du blues, la xanonase, et c'est pas bouse. Non, c'est partout. C'est de la partouze. Et avant la partouze. Avant la partouze. Écrivez-moi. Notre gang-pain à nous. Alors, lâche-moi l'écho. Notre gang-pain à nous. Ils vont les faire pleurer. Ils vont les faire pleurer. Oh, ils vont pleurer. Notre gang-pain à nous. Ah ouais, vas-y, t'es bon, toi. Notre gang-pain à nous. Ils vont le dire, notre gang-pain à nous. Notre gang-pain à nous. Oh, c'est bon, ouais. C'est beau, c'est beau, si tu voyais le monde au fond là-bas. Notre gang-pain à nous. Okay. Attends un peu. Notre gang-pain à nous. Notre gang-pain à nous, oui. notre gagne-pain à nous, c'est de recevoir votre courriel, vos courriels au pluriel. Oh! Avec elle ou sans elle, surtout avec elle. Alors, écrivez-nous, écrivez-moi. Je vous en prie. Emplissez-moi de vos courriels, s'il vous plaît. Je suis perdu. Fais comme le moineau. La vie est pure et l'eau fraîche, le moineau. Ben, écrivez au moineau. Rénal Moineau, lâchez-moi le moineau. Rénal, non, prenez-moi le moineau. Prenez le micro. Non, prenez le clavier. Ah, oh, mon dieu. Rénal Moineau. Ils vont couper. Couper. On veut pas couper. Coupez pas. On coupe pas. Coupez pas. Non, on peut pas couper. Coupe pas. Tu fais ce que tu veux, mais coupe pas. On coupe pas. Rénal Québec. Ah mon dieu, comment ça s'écrit? Rénald. Comment? Rénald. Rénald. Rénald. Comme disait mon ami Riopel, le grand Riopel, j'aime ça signer. Il disait non à propos des signatures qu'il faisait en bas de ses toiles avant les expositions. Au Musée de Québec, puis tout ça. Quoi, puis tout ça, puis tout ça, puis tout ça, puis tout ça, mais puis tout ça, et puis tout ça, et puis tout ça, et puis tout ci, et puis tout ci, et puis tout ça. Non, mais, et puis tout ça, et puis tout cela, oui. Tout cela devant ses toiles, il écrivait, hein, Riopel, Riopel, Riopel, puis il disait que les imbéciles aimaient bien écrire leur nom. Alors moi, je redis mon nom, mon prénom, surtout Rénal. OK. Écrivez-moi. Écrivez-moi. Rénal Québec. R-A-Y-N-A-L-D. C'est mon seul gagne-pain. Q-U-E-B-E-C. Non, ils vont écrire Rénal, c'est mon seul gagne-pain. Q-U-E-B-E-C. Non. Concentrez-vous. Concentrez-vous. C'est la partout. Non, c'est la main. Non. Rénal Québec. R-A-Y-N-A-L-D-Q-U-E-B-E-C. @hotmail.com. Rénal Québec, RénalQuebec @hotmail.com. Votre courriel, c'est comme une étoile venue du ciel, comme un remerciement suprême, comme aussi des injures. Vous pouvez m'injurier, mais soyez sympathique dans l'injure, car je réponds aussi brutalement que l'on me qualifie. Si vous avez des adjectifs doux, je serai doux. Si vous êtes colère, je serai décodé dans la colère. Oh mon, on n'est pas ça, là. Êtes-vous décodé souvent? Moi, je suis souvent déconné. Oh, vous êtes un grand déconné. Un déconneur de réverbère. Oh! Un déconneur de première. Alors, c'était Rénal de déconneur. Oh mon Dieu Seigneur, on les connaît, ceux-là. Oui. Rénal Gagné. Oui. Arrête de le dire, là, les gens ont peur. Là, ils vont regarder dans le journal, Rénal Gagné, puis ils vont dire, oh, c'est lui, crucifions-le. Non. Alors, merci, bye, à la semaine prochaine, si tout va bien. OK. Rénal Québec, RAYNALDQUEBC@commercialanime.com. Merci. Merci. Merci. Merci. You're bringing me down, and you know it ain't right. You've been running around, love, staying out all night. Don't hang around, you're bringing me down. Well, the things you're doing are playing your games. Well, you better get wise now, or things gonna change. 'Cause you're bringing me down, and you know it ain't right. You've been running around, love. You're bringing me down, and you know it ain't right. You've been running around, love, staying out all night. Get out of sight, don't hang around. You're bringing me down. You're bringing me down, and you know it ain't right. Oui, allô. Allô. Allô, allô. À mon avis, il appuie sur un bouton. Je vais enlever le son parce que... Non, non, c'est... Non, non, problème, mais... Hein. Ouais, on coupe au montage. Il va faire ça pendant 3 heures. Ouais. Ah oui, ah, ok. Il s'agrippe et ouais. Il ne lâche pas la proie. On va faire ça. Non, ouais. Mais au Québec, vous dites... on entend... On ne vous voit pas souvent dans les médias traditionnels au Québec. On vous entend... Ben, on vous voit au cinéma. Je vous ai vu dans les films d'Éric Rohmer. Ah, ben, l'Anglaise et le Duc. Oui. Exactement. Je vous ai vu aussi dans Le Petit Malin... avec Alain Bachon. Non, Le Petit Curieux. Oui, Le Petit Curieux, exactement. De Jean Marbeuf. C'était un rôle étrange. Bah oui, c'était un joli rôle, assez émouvant avec ce gamin, et puis un peu difficile dans le contexte de la petite ville, de bourgeoise, dans laquelle dans l'histoire, en tout cas dans le film. Ouais, mais c'était un très beau film qui n'a pas eu un énorme succès. Il est passé un petit peu à côté, mais si vous l'avez vu au Canada, déjà c'est pas mal. Ouais, je l'ai vu au Québec. Au Québec. Non, parce que toujours la rivalité Québec, Canada-Québec. Canada-Québec. Oui, mais au Québec. Parce que Canada, un jour, nous aurons un pays. Il flottait dans ses pantalons. De là lui venait son surnom, Vos ou les culottes. Il n'y avait qu'une cinquième année. Il savait à peine compter, Vos ou les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, Vos ou les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, Vos ou les culottes. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Vos ou les culottes. Les Anglais avaient les bonnes places et qu'il lui riait en pleine face, Vos ou les culottes. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, Vos ou les culottes. Si son élite, si son clergé, depuis toujours l'avait trompé, Vos ou les culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, Vos ou les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, Vos ou les culottes. Tout le pays s'est réveillé, puis la police l'a attrapé, Vos ou les culottes. On l'a vu entrer en dedans, on l'a oublié depuis 7 ans, Vos ou les culottes. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, Vos ou les culottes. Nos politiciens à gogo font les braves, font les pharaons, Vos ou les culottes. Ils réclament enfin des droits que les autres ne refusent pas, Vos ou les culottes. De peur qu'il y en aurait d'autres comme toi, qu'aurait le goût de recommencer, Vos ou les culottes. Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, Vos ou les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, Vos ou les culottes. Chers amis, si... Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.